geste inconsidéré. Et René se retrouve enfermé en prison. Que va dire sa mère? Un nuage de fumée, un choc sourd sur le plancher. Allez René, bienvenue en enfer. L'aurait voulu l'appeler Colin, l'aurait voulu l'appeler Chloé et plonger avec elle dans l'écume, mais rien de tout ça ne s'est passé. Et bientôt désespéré, René a plongé dans l'amertume. Mais il ne sait pas pourquoi tout le monde le montre du doigt. Ce n'est pas lui le coupable, c'est à l'amour de se mettre à table. Mais il ne sait pas pourquoi tout le monde le montre du doigt. Ce n'est pas lui le coupable, c'est à l'amour de se mettre à table. À table. René n'a vraiment rien compris. Ce qui s'est passé ce lundi quand Samy lui a dit au revoir, et puis autant tous ses habits, il s'est glissé doucement dans son lit. Non, René ne pouvait pas y croire. Et au matin, il n'est plus là, René est seul, il n'a plus qu'à se lamenter. Bonjour malheureux, il ne la verra plus qu'au bras d'un pauvre type qu'il tuera de 3 balles en plein cœur. Mais il ne sait pas pourquoi tout le monde le montre du doigt. Ce n'est pas lui le coupable, c'est à l'amour de se mettre à table. Mais il ne sait pas pourquoi tout le monde le montre du doigt. Ce n'est pas lui le coupable, c'est à l'amour de se mettre à table. À table. Un geste inconsidéré et René se retrouve enfermé en prison. Que va dire sa mère? Un nuage de fumée, un choc sourd sur le plancher. Allez René, bienvenue en enfer.